Alan Kame, Alan Kame, vin pale yo de ma os pou mwen nou bat de. Tout moun leve danse la, an nou ale tande. Tout moun leve danse la, an nou ale tande. Tout moun leve danse la, an nou ale tande. Chante, faut croire qu'elle est spéciale, d'une beauté magistrale. Son cœur est une étoile qui me rend si mal, si mal, si mal d'amour. Ce soir, ma voix. Je te chante tout ce que j'ai en moi, ma rose. Ce soir, ma rose. Je te souhaite une des plus belles fêtes. Oh, oh, oh, oh. Poisson poulet, feeling la montée. Mon y a dansé, mon a fêté. Son couler, feeling la montée. Mon y a dansé, mon a fêté. Ma rose, ton a boule d'amour. Ma rose, ton a cause d'amour. Ma rose, un bagarre. Oui, ma rose, un bagarre. Magistère, son cœur est une étoile qui me rend. my wisdom that I do. Why my wisdom that I do.